France Inter. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, vie et mort du roi du pétrole italien, Enrico Mattei. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, et pourtant, au début des années 60, le New York Times le qualifie d'italien le plus puissant depuis Jules César. En 15 ans, Mattei a mis sur pied l'entreprise nationale, l'ENI, qui compte 50 000 salariés. Il est l'un des acteurs du miracle économique italien. Son domaine de prédilection, le gaz et le pétrole. Son objectif, concurrencer les 7 sœurs, les 7 majors de l'énergie, toutes américaines, anglaises et hollandaises, et il y parvient. Tout lui réussit, et chez lui en Italie, il est admiré par le peuple à qui il offre des emplois et une essence bon marché. Mais dans ce climat de guerre froide et de décolonisation, Mattei dérange. En 15 ans, il a gagné autant de surnoms que d'ennemis. On l'appelle le tsar du pétrole, le communiste blanc, l'empereur de la République ou plus simplement l'ingénieur. Ses ennemis se nomment OS, CIA ou Mafia, tout y passe. Et le 27 octobre 62, l'avion de Mattei s'écrase près de Milan. Accident ou attentat. Notre invitée aujourd'hui, Simonetta Greggio, journaliste et romancière italienne, autrice d'une trilogie romanesque sur l'histoire de l'Italie. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Adrien Mora, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Étienne Bertin. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. « 26 octobre 1962, Galliano Castelferrato, Sicile. Les notes de l'hymne italien national, Fratelli d'Italia, œuvre magnifique digne d'un opéra de Verdi, résonnent dans les ruelles du village, car c'est jour de fête. Les habitants célèbrent la venue d'Enrico Mattei, le puissant patron de l'ENI qui a trouvé du méthane sur leur terre. Sur cette île pauvre, où la jeunesse émigre pour trouver du travail, cet homme fait figure de sauveur. Au maire désespéré, il promet des emplois et il reçoit une ovation en retour. Grand, mince, les cheveux tirés vers l'arrière, costume impeccablement taillé, il se présente sur le balcon de la mairie orné de drapeaux italiens. Devant des centaines de Siciliens, il le promet, le méthane restera en Sicile pour développer la région. Parce que lui aussi a vécu la misère dans sa jeunesse, il sait ce que c'est. En tout cas, il sait surtout parler à la foule. Cette scène-là est rejouée dans le film de Francesco Rosi, L'affaire Mattei, sorti en 1972. Aujourd'hui, je me souviens des années, désormais lointaines, de l'immédiate après-guerre, quand personne ne croyait aux réelles possibilités qu'offrait notre sous-sol. Ce que nous voulons montrer en Sicile, c'est ce que peuvent faire les Italiens. Le 27 octobre 1962, Sicile, aéroport de Catane. Enrico Mattei monte à bord de son avion privé, un Morin Saunier, piloté par un homme d'expérience, ancien militaire, Irnerio Bertuzzi. Mattei est un homme pressé. Il a terminé son séjour sicilien, il rentre à Milan. Au programme, un séjour à Washington pour une rencontre avec le président Kennedy. Pour optimiser son temps, il a proposé au journaliste américain du Time Life, William McHale, de l'emmener dans un avion. De quoi les deux hommes parlent-ils ? De la crise des missiles à Cuba ? Tout le monde a eu peur, mais cela semble rentrer dans l'ordre. Kennedy et Khrouchtchev sont des hommes de raison. Mattei montre alors du doigt un pipeline et dit au reporter : « Vous voyez ça ? C'est l'ENI. Et cette station balnéaire, c'est aussi l'ENI. » Alors imaginons le dialogue entre les deux hommes au vu de l'actualité de l'époque. William McHale interroge Mattei sur De Gaulle. J'ai vu qu'il organisait un référendum pour être élu directement par son peuple. Pour nous, Italiens, c'est une drôle d'idée. Notre démocratie parlementaire est un art du compromis, avec la démocratie chrétienne au centre du jeu. Des alliances, parfois à gauche, parfois à droite. Le journaliste américain l'interrompt. Vous savez faire des compromis ? Eh bien justement, avec la France. La guerre d'Algérie est finie, les accords d'Évian ont été signés. Il est temps de faire des affaires. Le Sahara regorge de gaz et de pétrole. Oui, mais... vous avez oublié les menaces de l'OS ? Oh, vous savez, je suis en danger tout le temps. Les soviétiques m'ont prévenu d'ailleurs. Et alors ? Moi, je vais développer l'Italie, coûte que coûte. Le miracle économique, c'est moi. Bon, il y a aussi Agnelli et Pirelli pour l'automobile. Mais c'est moi qui mets le carburant bon marché dans les Fiat 500 de mes compatriotes. Le pilote, ancien as de l'armée, suit le plan de vol, c'est un habitué, n'a même pas pris soin de prendre connaissance du dernier bulletin météo. Pourtant, ce soir-là, il fait un sale temps. Et soudain, à quelques kilomètres de l'aéroport de Milan-Linate, l'avion décroche. Un paysan voit alors une boule de feu dans le ciel. Quelques secondes plus tard, le Morane Saulnier percute le sol de Bascape, en banlieue de Milan, ne laissant aucune chance aux trois passagers. La nouvelle est relatée à la télé italienne et sur France Inter, avec un jeune journaliste au commentaire. Un avion s'est écrasé avec à son bord trois hommes, le pilote Bertuzzi, le journaliste américain McHale et Enrico Mattei, le président de l'ENI, l'homme qui a créé la plus grande entreprise publique du monde occidental. En Italie et dans le monde, émotion considérable, je vous l'annonçais tout à l'heure, vous le savez sans doute depuis hier soir, Enrico Mattei, le roi du pétrole, est mort hier, en fin d'après-midi, dans un accident d'avion, Jean-Pierre Elkabbach. Enrico Mattei venait de visiter à bord de son avion personnel des gisements de méthane, récemment découverts en Sicile où il s'était entretenu simplement avec les ingénieurs, les autorités et la population. Son biréacteur, un Morane Saulnier 760, avait quitté Catane pour Milan. Les causes de l'accident ne sont pas encore très précises, on a peu de détails pour le moment. Très vite, un ministre arrive sur place, on interroge les voisins, on parle d'accident, hypothèse qui arrangerait beaucoup de monde. Mais avant de nous plonger dans l'enquête, revenons sur l'ascension d'Enrico Mattei à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 25 avril 1945, Milan, Turin et Gênes sont libérés. C'en est terminé de l'occupation nazie et du régime fasciste. La guerre et la libération sont des machines à fantasmes et à légendes, toujours écrites par les vainqueurs. Enrico Mattei, justement, est du bon côté. Il est résistant. Un temps fasciste, dans sa jeunesse, il a participé activement à la résistance chez les chrétiens. Où il n'a pas porté les armes. Mais ses talents d'organisateur et de leader l'ont rendu indispensable. Ses qualités politiques l'ont aidé pour unir le mouvement. Ses talents financiers ont fait le reste. En 1946, Mattei en personne s'exprime à la radio française concernant la résistance italienne. Qu'est-ce qu'a été la résistance italienne d'abord à ses débuts? Je vous en prie, Enrico Mattei. Le mouvement de la libération italienne qui a contribué d'une manière si puissante à la défaite totale des Allemands sur le sol de notre patrie est presque ignoré de la plupart des étrangers. Oui, c'est tout à fait d'accord. Dans l'Italie d'après-guerre, pays vaincu, détruit, ruiné, tout est à reconstruire. Enrico Mattei appartient à la démocratie chrétienne qui arrive en tête des élections constituantes en 1946. Et il se voit confier une mission, liquider l'AGIP, une entité créée sous Mussolini pour trouver du gaz et du pétrole, mais qui a toujours échoué dans cette mission. La feuille de route est assez simple, mais Mattei va faire tout l'inverse. Il va transformer cette entreprise d'État héritée du fascisme en une réussite mondiale. À 38 ans, il a déjà une belle carrière derrière lui, une bonne expérience en tant qu'entrepreneur. Né en 1906 dans une famille modeste, il devient apprenti dans une usine de tannerie à 17 ans. Ambitieux, il grimpe très vite les échelons. Assistant chimiste, chef de laboratoire, il subit, certes, la crise de 29, comme tout le monde, mais rebondit en devenant représentant de commerce à Milan, produits solvants et colorants. Il comprend que son intérêt est de monter sa propre société, en famille, Industria Chimica Lombarda. Il n'hésite pas à adhérer au parti fasciste, c'est mieux pour les affaires. Il peut ainsi importer facilement des matières premières depuis les colonies italiennes, notamment l'Érythrée. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, tout va pour le mieux pour Enrico Mattei. Il est à la tête d'une entreprise prospère et il s'est marié à une danseuse autrichienne, Greta Paolas. Pendant la guerre, ses affaires ne tournent moins bien, forcément. Alors il reprend des études. Et cela lui servira de couverture une fois entré dans la résistance. C'est donc avec une certaine expérience qu'il prend la tête de la GIP à la fin de la guerre. Et il tombe sur un rapport qui va changer sa vie. Des ingénieurs auraient trouvé du méthane dans la vallée du Pô, au nord de l'Italie. Il contacte immédiatement l'un d'eux et lui donne un rendez-vous pour obtenir plus de détails. Cette scène est rejouée dans le film de Federico Rossi, La Fermate. Vous savez, le décret du ministère de l'Industrie demande la liquidation de la Jeep. En clair, ils veulent vendre l'agence au secteur privé. Mais moi, je m'oppose à la liquidation d'une entreprise d'État. Et votre rapport confirme mes raisons d'aller dans ce sens. Je désire qu'on m'explique tout en détail. D'accord, je suis à votre disposition. Vous êtes sûr de tout ce qui est écrit ? J'espère que ça repose sur des analyses sérieuses. Monsieur Mattei, cette découverte est le résultat des recherches et des études d'un groupe de techniciens. Je n'étais pas tout seul. Tout ça est recoupé et contrôlé par toute une équipe. Mattei n'est pas ce qu'on appelle un libéral, mais plutôt un étatiste. Oui, il sait l'importance pour un pays de contrôler ses ressources et il n'a pas oublié que l'Italie est passée à côté de la révolution industrielle parce qu'elle n'avait ni charbon ni fer. Et puis, les alliés s'empressent de vouloir fermer la Jeep. C'est un indice supplémentaire. Il y aurait peut-être du gaz. En 1946, les forages sont lancés à Cavalcia. Bingo ! Il ne tarde pas à donner du méthane. Enrico Mattei l'explique à la télé 15 ans plus tard. Lorsque nous sommes arrivés sur le premier puits de gaz productif à Cavalcia, le méthane a coulé à flot, révélant une grande richesse pour le pays. Et en l'espace d'un mois environ, près de 300 demandes de concessions ont été présentées, couvrant trois fois la vallée du Pô. Ce fut une ruée vers l'or légendaire. Fort de ce succès, Mattei lance des prospections d'hydrocarbures dans toute l'Italie et il met un réseau de distribution de méthane dans le Nord qui favorise le développement de l'industrie. Il devient un cadre de la démocratie chrétienne qui dirige le pays. Proche d'Alcide Gasperi, le président du Conseil, il est élu député en 1948. Et il se bat pour éviter la liquidation de la Jeep. C'est un combat très dur et il doit faire face à de nombreux ennemis politiques et surtout aux compagnies étrangères qu'il a baptisées les Sept Tesorelle, les Sept Sœurs, à savoir BP, Shell, Gulf Oil, Texaco, Chevron, ExxonMobil et Esso. Et en 1950, la Jeep est sauvée. Mieux même, trois ans plus tard, elle fusionne avec d'autres sociétés pour donner naissance à l'ENI, l'Ente Nazionale Idrocarburi. C'est un véritable groupe pétrolier international. Les mains plus libres que jamais, Mattei va prospecter le monde entier à la recherche de pétrole. L'ingénieur, comme on le surnomme, va alors chercher des marchés dans le monde entier. Un duel à la David contre Goliath, ENI seul contre les Sept Sœurs. Mais Mattei a une autre métaphore pour ce combat. À la télé, il raconte une anecdote de chasse qu'il a vécue plus jeune. Un jour, alors qu'il termine sa journée, il donne la soupe dans une grosse gamelle à ses deux chiens de chasse. En vérité, il y en a pour cinq. Alors, un chaton famélique s'approche et tente de laper un peu de soupe. Mattei raconte la suite devant les caméras. Le braque allemand a donné un coup de patte à ce chaton qui a été propulsé à 3-4 mètres. Avec la colonne vertébrale cassée, le chaton a vécu encore quelques minutes avant de mourir. Cette scène m'a beaucoup impressionné. Et je m'en suis souvenu surtout ces dernières années. Parce que nous avons été ce chaton, avec contre nous une masse effrayante d'intérêts. Et c'est ainsi qu'au fil des années, ce chaton, l'Italie, représenté par l'ENI et donc Mattei, arrive à se faire une place dans la gamelle de Sept Sœurs. Pour leur prendre des parts de marché, l'ingénieur va proposer aux pays producteurs un nouveau deal. On investit ensemble et on partage tout, 50-50. Et il arrive ainsi à décrocher des contrats dans le monde entier. Égypte, Somalie, Iran, Soudan, Ghana, Maroc, Tunisie, Libye, Argentine, Inde. Dans une note confidentielle de 1955, provenant de l'ambassade des États-Unis à Rome, on peut lire « L'ENI, c'est Mattei, et Mattei, c'est l'ENI. Ses ambitions semblent illimitées. » Dans la série d'articles intitulée « Les six morts d'Enrico Mattei », écrite par Margherita Nasi et Aureliano Tonette, publiée en 2019 dans Le Monde, son petit-neveu explique « En dealant avec l'Iran, Mattei irrite les Anglais. En marchandant avec l'URSS, il exaspère les Américains. En faisant affaire avec les Égyptiens, il se met à dos les Hollandais. Et en négociant avec les pays du Maghreb, il marche sur les plates-bandes françaises. » Ou l'art de se faire beaucoup d'ennemis. Penso che un sogno così non ritorni mai più. mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, nel dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Gli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Aujourd'hui, Enrico Mattei. Affaires sensibles sur France Inter. Un retour à la fin des années 50, l'Italie vit son miracle économique. Vous avez peut-être déjà vu le logo de l'ENI, un chien à six pattes qui crache du feu, le tout sur un fond jaune. Choisi lors d'un concours en 1953, ce logo est resté le même jusqu'à aujourd'hui. Et le premier slogan a été choisi par le réalisateur Ettore Scola, un slogan qui dit « Le chien à six pattes, le meilleur ami de l'homme à quatre roues ». Et l'enseigne fleurit dans toutes les villes. C'est l'époque où consommer de l'essence était synonyme de liberté. Nous sommes en 1958. Alors imaginez-vous dans votre Fiat 500, pot de yaourt sur l'autoroute qui relie Milan à Naples, un panneau indique une station à Gib dans 2 km. Il faut faire le plein. Un pompiste en uniforme vient vous servir l'essence maison, plus un petit coup sur le pare-brise. Voici la Supercolte Maggiore, la moins chère d'Europe, grâce au contrat passé par Mattei. Et puis vous en profitez pour faire des emplettes dans la station. Une révolution pour l'époque. Un paquet de cigarettes et un double expresso au comptoir. Un petit coup de fatigue, vous pouvez aussi dormir au motel à Gip, la Dolce Vita. Sur l'étal des journaux, la Gazzetta dello Sport parle de la Juve, le célèbre club de Turin et de son 10e Scudetto, titre de champion de football d'Italie. Le charme éternel du pays séducteur et séduisant. Pendant qu'Il Giorno, le quotidien qui appartient à Mattei, sérieux comme un pape, parle lui de la guerre en Algérie, cette terre de pétrole et de gaz qui intéresse évidemment le patron de l'ENI. D'ailleurs, la France lui propose de s'associer pour exploiter les hydrocarbures de sa colonie, mais l'ingénieur refuse. Non, il ne peut pas envoyer ses employés dans un contexte de guerre. Une attitude prudente et une posture anticolonialiste qui constituent aussi un pari sur l'avenir. Mattei drague les pays arabes du Moyen-Orient et du Maghreb, enfin, tout ce qui possède du pétrole, et il comprend bien que le vent de l'histoire est à la décolonisation. Son proche collaborateur, Mario Pisani, explique comment il était accueilli dans les pays du Maghreb. C'est une chose qui a été très utile du point de vue de la propagande. Et cela a permis de préparer ma mission. Notre frère, italiens qui ont refusé le pétrole des colonialistes. Alors il y avait cette atmosphère si typiquement arabe de sympathie déclarée. Tout le monde disait aux Européens qu'ils étaient dans une situation dangereuse. Sauf nous, les Italiens, qui pouvions aller à la plage pour nous baigner, aller au restaurant, juste en prenant nos passeports dans notre maillot de bain. Oh, mais tu es italien, tu es notre frère. Mais un mystère demeure. Qu'est-ce qui fait courir Mattei ? L'homme n'a qu'une passion, son métier, et qu'un loisir, la pêche, en solitaire. Voici un extrait du portrait que le journal Le Monde dressait de lui en février 62 sous le titre « L'inquiétant Monsieur Mattei ». Il habite depuis 10 ans avec sa femme un hôtel romain de second ordre. Il ne dîne pas en ville, on ne le rencontre pas au théâtre, au cinéma, dans un stade, dans une réception mondaine, artistique ou officielle, non. Il ne joue pas, ne boit pas, ne fume pas. Il ne se bat pas pour combler sa famille, il n'a pas d'enfant. Il est séduit par une doctrine sociale, religieuse ou philosophique qu'il se dévoue pour la servir. Autrement dit, l'argent n'intéresse pas monsieur. Il donne ses économies à un orphelinat. Et il n'a pas d'ambition politique. Il avait l'habitude de dire, d'ailleurs, « J'utilise les partis politiques comme j'utiliserais un taxi. Je m'assois, je paie la course, je sors. » Saint Mattei. Son obsession réelle, le développement de son pays. Il n'hésite pas pour cela à passer en 1960 un partenariat avec l'URSS pour lui racheter du pétrole. Il rassure en même temps les pays arabes producteurs en montant 2 agences de presse, l'une à Tunis, l'autre à Beyrouth. Un vrai funambule de la politique et de la géopolitique surtout. Il rachète des entreprises italiennes et développe même sa ville, Metanopoli. C'est là, à Borgo San Donato, dans la banlieue de Milan, que Mattei crée une petite cité avec le siège de l'ENI, des bureaux, des logements pour ses employés, des centres de formation, une église, une école et un zoo. Un sacré exemple d'entreprise paternaliste. En 1961, il lorgne sur le pétrole algérien et n'hésite pas à financer le FLN. Il commande même à Jean-Paul Sartre un documentaire anti-OAS. De Gaulle voit tout cela d'un très mauvais œil, genre « de quoi je me mêle ?» Et l'OAS lui envoie des menaces de mort. Un an plus tard, la guerre d'Algérie est terminée, les accords d'Évian signés. Mattei est sur le point de passer un accord tripartite avec la France et l'Algérie pour l'exploitation du pétrole et du gaz saharien. Même avec les Américains, il s'est calmé. Et c'est dans ce contexte, le 27 octobre 1962, que son avion s'écrase, comme nous l'avons raconté dans la scène d'introduction. France Inter fait le point sur enquête. En information générale, une seule chose. En Italie, il n'a pas été encore possible aux enquêteurs de déterminer les causes de l'accident d'aviation dans lequel M. Enrico Mattei a trouvé la mort. 2 hypothèses émises, défaillance des instruments de commande ou malaise du pilote. Il semble exclu que l'accident ait pour origine les mauvaises conditions atmosphériques. C'est en tout cas le ministre italien de la Défense qui mène l'enquête. 2 mois plus tard, 2 journalistes du journal Il Giorno, fondé par Mattei, rappelons-le, et détenu par l'ENI, sont reçus à Moscou par Khrouchtchev. Le dirigeant de l'URSS leur dit « Nous savons que Mattei a été assassiné. Nous l'avions averti que quelque chose se préparait contre lui. » Toujours est-il que des éléments curieux se déroulent pendant l'enquête. La boîte noire de l'avion est plongée dans de l'acide, accidentellement et évidemment. La bande sonore d'un témoignage est effacée. Des policiers chargés des investigations sont mutés. Que d'accidents, que d'impondérables. Alors le cinéaste Francesco Rosi songe à faire un film sur ce mystérieux accident, mais il peine à trouver un producteur. La veuve de Mattei, elle, se remarie au général Giuseppe Casero. Or, cet homme préside la commission chargée d'enquêter sur la mort d'Enrico Mattei. Curieux remariage, conflit d'intérêts sous l'oreiller. Au bout du compte, le procureur de la République et la commission concluent un accident causé par le mauvais temps et par une mauvaise manœuvre du pilote, pourtant très expérimenté, donc affaire classée. De toute façon, en cette fin d'année 60, Enrico Mattei est presque oublié et il a été remplacé à la tête de l'ENI par son ancien numéro 2, un certain Eugenio Cefis, retenez bien ce nom. 12 décembre 1969, Des attentats en Italie font la une du journal de France Inter. Rome et Milan ont connu en fin d'après-midi une série d'attentats terroristes qui, dans chacune des deux grandes villes, ont fait de nombreuses victimes. La première explosion a eu lieu vers 16h30 à Milan. Une bombe de très forte puissance a explosé dans l'immeuble de la Banque de l'Agriculture, Piazza Fontana. Les victimes sont très nombreuses. Il y aurait 13 morts et 95 blessés. Il est difficile de savoir pour l'instant qui est à l'origine de ces attentats. Les groupuscules extrémistes de gauche ou de droite étant très nombreux et souvent très actifs, aussi bien à Rome qu'à Milan. L'Italie qui s'envolait économiquement, culturellement aussi, avec son cinéma mondialement célèbre, est saisie de plein fouet par une véritable tragédie nationale, aux conséquences qui se feront sentir longtemps, les années de plomb, avec les attentats de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Francesco Rosi, lui, trouve un producteur pour son film enquête, intitulé tout simplement et sobrement « L'affaire Mattei ». Et il missionne le journaliste Mauro De Mauro pour mener des investigations en Sicile, lieu où l'avion d'Enrico Mattei avait décollé avant de se crasher. 16 septembre 1970, Palerme. Mauro De Mauro rentre tard du travail. Sa femme l'attend à la fenêtre. Et là, sa fille, qui arrive au même moment dans la rue, voit son père enlevé par plusieurs individus. Elle ne le reverra jamais. Deux mois plus tard, un journaliste italien témoigne anonymement dans l'émission Objectif. Le journaliste Mauro De Mauro est-il actuellement vivant ou mort? Il est mort. Qui l'a tué? La mafia. Quand a-t-il été exécuté et où se trouve actuellement son cadavre? Il a été exécuté le jour après de son enlèvement et son cadavre devrait se trouver en mer, à 10 km de la rive, entre Palermo et Milazzo. Le corps de Mauro De Mauro n'a jamais été retrouvé. Et on n'a pas la confirmation qu'il a été tué par la mafia, ni le mobile du meurtre. Était-ce pour l'affaire Mattei ou pour un trafic de drogue? Ou encore pour une autre sombre histoire italienne, le coup d'état avorté du prince Giunio Valerio Borghese, en décembre 70, allait savoir, dans ce pays perclus de passions tristes à l'époque. En tout cas, Francesco Rosi poursuit son enquête et le tournage de son film sur l'affaire Mattei. 20 mai 72, Cannes, Palais des Festivals. Pour la remise des prix, l'acteur Jean-Claude Brialy appelle sur scène une légende du 7e art, Alfred Hitchcock, qui va remettre le grand prix du jury. Voici donc le palmarès, suivi des déclarations à la presse du réalisateur Francesco Rosi. Grand prix international du Festival de Cannes 1972. Ex aequo, à l'unanimité, l'affaire Mattei de Francesco Rosi. On parle pas volontiers de cette affaire Mattei. C'est une pomme brûlante qu'on se laisse tomber volontiers des mains. Et moi, je l'ai tenu entre mes mains un petit peu de temps. Quand on a séquestré le journaliste Mauro De Mauro, quand la mafia a sorti dans cette histoire, j'ai eu des moments de perplexité comme ça, mais jamais pour me retirer de l'affaire, bien sûr. Mais au contraire, j'étais poussé à me mettre dedans encore plus parce que, bon, pas pour faire l'héros, parce que moi je suis pas un héros, mais parce que quand on choisit un thème, on est là et on marche. Il faut arriver, il faut essayer d'arriver jusqu'au but. Un acteur salué, tout comme un réalisateur, une palme d'or, un film qui marche bien en salle en Europe. Et pourtant, l'affaire Mattei va être rachetée par la major hollywoodienne Paramount, qui va tout faire pour étouffer le film et stopper sa diffusion. Mais qui cette œuvre dérange-t-elle? Peut-être l'un des copropriétaires du studio, le banquier Michele Sindona, membre de la loge P2 qui sera impliqué dans le scandale de la Banque Ambrosiano, une autre affaire sensible, encore en Italie. Ironie de l'histoire, cette même année, la Paramount sort un film sur la mafia italo-américaine, un succès mondial, Le Parrain. Toujours en 72, l'intellectuel italien Pier Paolo Pasolini se lance dans un projet d'écriture très ambitieux intitulé « Pétrole ». Il se trouve qu'il a été choqué par un discours de Eugenio Cefis, successeur d'Enrico Mattei à la tête de l'ENI et membre de la loge P2. Devant l'Académie militaire de Modène, ce dernier appelle de ses voeux la création d'un pouvoir néo-capitaliste basé sur l'armée. Pasolini. Début d'écriture de son roman Fleuve, avec comme personnages Enrico Mattei et Eugenio Sefis. Il y développe la théorie que le second aurait assassiné le premier pour prendre sa place à la tête de l'ennemi. Au même moment, en Italie, les attentats se succèdent. 4 août 1974, le train de nuit Italicus Express quitte Florence. 45 minutes plus tard, une bombe explose. 12 morts, 48 blessés. Deux mois plus tôt, une autre bombe fasciste, déjà, avait explosé à Brescia lors d'une manifestation antifasciste. 8 morts, 102 blessés. Le 14 novembre de la même année, Pier Paolo Pasolini publie une tribune dans le Corriere della Sera où il dénonce ceux qui se cachent derrière cette stratégie d'attention. Je sais les noms des membres du groupe de personnes importantes qui, avec l'aide de la CIA, des colonels grecs et de la mafia, ont, dans un premier temps, lancé, du reste en se trompant misérablement, une croisade anticommuniste et qui toujours opéraient avec l'aide et sous l'impulsion de la CIA et qui se sont reconstruits une virginité antifasciste. Le 2 novembre 1975, sur la plage d'Ostie, à quelques kilomètres de Rome, le corps mutilé de Pier Paolo Pasolini est retrouvé dans la boue. La nouvelle fait la une de France Inter. Consternation à Rome dans les milieux du cinéma italien. Le célèbre metteur en scène Paolo Pasolini, 53 ans, a été assassiné près de la plage d'Ostie, à quelques kilomètres à peine de Rome. Un crime crapuleux. L'assassin, 17 ans à peine, vient d'ailleurs de passer aux aveux complets. L'assassin, Pino Pelozzi, n'a que 17 ans. Ce jeune prostitué évoque un rapport sexuel avec le cinéaste qui aurait dégénéré. Condamné et emprisonné, il reviendra des années plus tard sur ses déclarations et clamera son innocence. Il attribuera l'assassinat à plusieurs individus, dit-il, à l'accent sicilien. Et un mystère de plus après la mort d'Enrico Mattei et celle de Mauro Di Mauro. Et si ces trois morts étaient liées? Les Italiens n'ont pas le temps de se poser la question. Les événements tragiques s'enchaînent. Enlèvement et assassinat d'Aldo Moro en 78, l'attentat de la gare de Bologne en 80, l'Italie sombre dans le chaos. 1986, congrès des anciens partisans chrétiens. Amintore Fanfani, dirigeant historique de la démocratie chrétienne, alors président du conseil, lâche une phrase très troublante. « Qui sait ?» dit-il. Peut-être la destruction de l'avion de Mattei, il y a plus de 20 ans, a-t-elle été le premier geste terroriste dans notre pays, le premier acte du malheur qui nous poursuit. D'ailleurs, l'affaire Mattei ressurgit en mai 1994, lorsque Tommaso Buscetta, le célèbre repenti de la mafia sicilienne, révèle dans un livre qui est derrière le crash d'avion d'Enrico Mattei. Mattei a été exécuté à la demande de la Cosa Nostra américaine, parce que sa politique avait causé du tort à d'importants intérêts américains au Moyen-Orient. Ce furent très probablement les compagnies pétrolières qui tirèrent les ficelles. Suite à cette confession choc, le juge d'instruction au tribunal de Pavie, Vincenzo Caglia, se replonge dans l'enquête qui avait conclu en 67 à un accident. Dans la série d'articles intitulée « Les six morts d'Enrico Mattei » publiée en 2019 dans le journal Le Monde, le magistrat confie. Il n'y avait rien. Lacunes, contradictions, témoignages mis de côté, comme celui de ce paysan qui, interrogé par un journaliste de la RAI, assurait avoir vu l'avion exploser en plein vol, avant de se raviser lors d'interviews ultérieures. Le fichier audio du premier entretien avait été effacé. J'ai dû le faire déchiffrer par un expert en lecture labiale. L'affaire Mattei n'a pas d'équivalent, si ce n'est peut-être le meurtre de JFK. L'enquête dure près d'une décennie. Le juge Caglia interroge 614 témoins. Le dossier final fait plus de 5000 pages. Il conclut qu'il s'agit très probablement d'un attentat. Enrico Mattei aurait été tué par la mafia. Oui, enfin peut-être. Mais surtout, sur ordre de qui? De la CIA? Mattei gênait les compagnies pétrolières américaines? Des services secrets français? Mattei avait financé le FLN? De Eugenio Sefis, le fondateur de la loge P2 qui voulait prendre sa place à l'ennemi? C'est peut-être ce qu'avait découvert le journaliste Mauro Di Mauro et ce que voulait révéler Pier Paolo Pasolini dans Pétrole. Toujours est-il que le manuscrit du chapitre consacré à l'attentat n'a jamais été retrouvé. En 2010, le sénateur Marcello Dell'Utri, proche de Silvio Berlusconi et de la mafia, dit l'avoir entre ses mains. Il l'a gardé pour lui. Peut-être était-ce un coup de bluff ou un chantage déguisé. Mais une chose est certaine, le fantôme d'Enrico Mattei continue de hanter l'Italie. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Mattei. Enrico Mattei, notre invité Simonetta Greggio. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je vais dire Simonetta Greggio parce que les auditeurs vont dire que je me la joue avec un accent italien. Donc on va parler au français. Vous êtes journaliste et romancière italienne, autrice d'une trilogie romanesque sur l'histoire de l'Italie, intitulée pour le premier tome Dolce Vita, qui couvre la période 1959-1979, puis Les Nouveaux Monstres, 1978-2014, et Bellissima. Alors, j'ai terminé le récit en disant une chose est certaine, peut-être la seule certitude, c'est que le fantôme d'Enrico Mattei continue de hanter l'Italie. Bon, est-ce toujours le cas aujourd'hui, en 2024? Plus que jamais, parce que Giorgia Meloni a envoyé en l'air un plan qui s'appelle le plan Mattei, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 6 mois. Et là-dessus, il y a eu un documentaire à la RAI, RAI 3, qui est devenu, par la force des choses, une RAI un peu... conduite ou maîtrisée ou contrôlée, je ne sais pas comment le dire autrement. Et donc ce documentaire qui parle de l'affaire Mattei est une contre-vérité absolue, c'est-à-dire c'est de la propagande. Mmh. J'ai été le voir, évidemment, puisque je savais qu'aujourd'hui on parlerait de ça, et c'est fou à quel point, par exemple, on ne parle pas du tout de Tchéfis. Oui, voyons. C'est tellement mieux, vous voyez. Donc voilà, c'est une réécriture, je dirais, de la figure de Mattei, et je suis absolument étonnée que personne n'en dise rien. Enfin, les journalistes qui devraient quand même pouvoir faire leur travail en ce moment en Italie n'ont pas le... Peut-être pas le droit d'ailleurs, puisqu'il y a une legge bavaglio qui vient de passer aussi. La legge bavaglio veut que les journalistes soient tenus de dire la vérité jusqu'à un certain point. Mais quelle est la vérité jusqu'à certains points? Ça, je ne peux pas le savoir. Bon, alors il y a des hypothèses. Quand on ne connaît pas la vérité, on en est aux hypothèses. Laquelle vous paraît la plus crédible? Un faisceau d'intérêt. C'est-à-dire que lorsque Vincenzo Calia, le magistrat qui a fait un travail de fou sur cette enquête qu'il a mise en route, un peu par hasard, je dois dire, parce que lui-même dit qu'il n'était pas... Ça ne l'intéressait pas tant que ça. Et puis tout d'un coup, il y a eu un repenti de mafia qui a dit « Mais moi, je sais qui a mis la bombe dans la... » Bouchetta. Non, c'était quelqu'un d'autre. D'accord. Iannino, encore avant. Mm-hmm. Et donc, Vincenzo Calia, qui était à l'époque jeune magistrat, ramène le fascicule à la maison en se disant « Tiens, je vais faire un peu d'heure-sup et je vais voir ce que dit ce Mannino. » Et tout d'un coup, il tombe sur une espèce d'ouverture. Vous voyez, une sorte de porte qui s'ouvre et derrière, il y a peut-être la lumière. Mais quelle lumière, puisqu'il a mis quand même plus de 2 décennies à trouver un semblant, encore une fois, de vérité. Quelle est la vérité? Alors, dans le documentaire propagande de Rai 3, on termine avec Vincenzo Calia, qui curieusement termine son discours en parlant de Pasolini et en disant exactement les mots de Pasolini. Je sais, mais je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas les preuves. Sauf que Pasolini le savait et il le dit très clairement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est mort. Mmh. Donc probablement, ce faisceau d'intérêt est le même qui a tenu l'Italie, comme vous le disiez si bien tout à l'heure, dans ces sombres périodes, dans ces tristes brumes pendant des dizaines d'années. Il faut qu'on redise justement cette toile qui a tenu l'Italie, qu'on la rappelle aux auditeurs. Alors, qu'est-ce qu'on va leur dire? Parce que on replonge complètement dans la Dolce Vita, on replonge dans la stratégie de la tension, on replonge dans les années de plomb, on replonge, comme Fanfan il le disait, qui était président du Conseil, il disait à une époque, l'affaire Mattei a été le premier acte terroriste d'une très longue série. Il ne faut pas oublier que l'explosif qui a servi à faire exploser l'avion de Mattei est le même qui a servi au massacre de la strage di Bologna. Donc c'est extrême droite. C'est les services. C'est les services dont on dit qu'ils sont des services déviés. Ils ne sont pas déviés du tout. Ils font leur boulot de service. Donc, les assassinats de Mauro De Mauro et de Pasolini sont des affaires irrésolues. Elles sont donc apparemment liées à l'assassinat d'Enrico Mattei. Ah bah complètement. Ouais. C'est, il y a un fil rouge qui est un fil de sang qui commence avec l'affaire Mattei en 62 et qui se termine avec la mort de Falcone Borsellino. Mmh. C'est exactement le même fil. Moi j'ai essayé de le tirer dans ma trilogie, donc Dolce Vita, le nouveau monstre et Bellissima. Et en plus, nous tous Italiens faisons partie de cette histoire, mais la plupart d'entre nous sans savoir quels sont les pions qui ont bougé notre histoire. Parce que, encore une fois, lorsque vous ne nommez pas les choses, vous ne pouvez pas savoir les faits. Donc, si on ne connaît pas l'histoire de l'Italie, on ne peut que voter encore et encore pour des gens comme aujourd'hui qui sont absolument, enfin je veux dire, on a un gouvernement qui est fait soit d'incapables, soit de délinquants, enfin excusez-moi de le dire aussi franchement, mais c'est à mourir de rire. Quelle est la différence entre le fascisme et le populisme? C'est que le populisme est encore plus con que le fascisme. Enfin, c'est quand même insensé d'avoir cette bande d'incapables aujourd'hui au gouvernement de l'un des pays qui aurait pu être, avec Mattei, l'un des plus beau pays du monde, il l'est déjà, vous me direz. Mais l'un des plus puissants aussi. En tout cas, l'un des plus autonomes. Ça, c'est déjà. En tout cas, l'Italie s'en tire bien. C'est quand même la troisième économie de la zone euro, hein, après l'Allemagne et la France. Il y a aussi le submergé, dont on ne compte pas les deniers. Quoi, l'économie parallèle? Ben, bien sûr. Bon. Et est-ce que vous pensez, puisqu'on parlait des années de plomb, que ces années de plomb, cette stratégie de la tension, qui ont coupé les ailes d'un pays dans son élan, en fait, hein, est-ce que c'est ça qui a créé un désir chez les Italiens de politique sécuritaire et qui aurait aidé Berlusconi à arriver au pouvoir et Meloni aussi, hein, finalement. Mais c'est ça la stratégie de l'attention. Qu'est-ce que ça veut dire, la stratégie de l'attention? C'est... Oui, c'est la définition de ça, d'ailleurs. C'est exactement ça. C'est désinstaller un système pour contrôler le système. Ça s'appelle comme ça. Je ne sais pas qui a été le génie qui a nommé cette stratégie de l'attention, mais c'est absolument... Voilà, c'est nomen omen. Comment les Italiens percevaient Enrico Mattei? Je pense qu'il avait des très beaux manteaux, un peu comme Agnelli. C'était un homme d'affaires, c'était un type absolument charmant, qui avait cette espèce de grande stature, les mots justes, un visage un peu de moine guerrier. Hein. Il a failli être président de la République, hein, s'il n'avait pas été tué. Je pense qu'il aurait pu prétendre à ce rôle, puisqu'il allait se lancer en politique. Avec qui d'ailleurs? Avec Aldo Moro, qui, donc déjà à l'époque, 1962, on parle d'un gouvernement où on fait entrer les communistes, les PCI, donc italiano, et le compromis historique. Le compromis historique, on en parlait en 62, vous rendez compte? Ouais. Donc avec Aldo Moro, il voulait faire cette espèce de manœuvre un peu insensée, parce que il y avait quand même les États-Unis qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec ça. Et Mattei meurt. Et 16 ans après, Aldo Moro veut faire la même chose et Aldo Moro meurt. Donc, quand vous disiez tout à l'heure Mauro de Mauro Pasolini, mais Aldo Moro aussi. Donc, c'est tout vraiment. Lié. C'est tout le fil. C'est le fameux fil. C'est le fameux fil. Et quand on écrit un livre sur l'Italie, on n'a pas besoin d'inventer puisque le roman est écrit. Ouais. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Simonetta Gregio, qu'est-ce qui motivait Enrico Mattei? Dans le récit que nous proposons, il y a le parcours d'un industriel qui veut conquérir des marchés, bon, ce qui paraît tout à fait normal, mais un homme qui a une grande conscience de ce qu'est son pays, qui est un patriote. C'est ça qui le motivait plus encore que tout. Alors, je pense que c'est un avis personnel, hein. Mais pour avoir connu des figures comme ça, des grandes figures, j'ai l'impression qu'il y a, oui, bien sûr, cette part de recherche du bien commun, ça c'est clair, hein, de la part des héros finalement, comme l'ont été Falcone et Borsellino. Mais je pense aussi qu'il y a une sorte de d'ivresse de l'ego. Je pense que quelque part, à un moment donné, on a l'impression que tout est possible. Ouais. Mais on vous ramène très vite à la réalité. La réalité, c'est quoi? Que Falcone et Borsellino, Mattei, Aldo Moro, qui ont été des hommes extrêmement puissants, à un moment donné, ils ont pleuré. Ils ont pleuré la nuit, ils ont pleuré des peurs. Leurs femmes, souvent, les a surpris en train de pleurer. Et ces hommes-là savaient finalement que le moment de la folie de l'ego, de je suis assez puissant pour faire le bien que je vois, que j'entends, que je visualise, ben je serais pas capable parce que ça va être rattrapé. Et ils ont été tous rattrapés. Mmh. Ils ont tous été tués, plus ou moins jeunes, plus ou moins dans le grand rayonnement de leur pouvoir. Donc oui, le bien commun, mais oui aussi l'ego qui vous fait être un grand chevalier blanc. C'était le cas de Mattei, je pense. Ouais. L'ENI, donc cette société pétrolière, est-elle le symbole de ce qu'on a appelé le miracle économique italien, selon vous ? Mais oui, absolument, ainsi que Pirelli, Fiat, Olivetti, etc. C'est-à-dire que, vous savez, que c'est pas pour rien que j'ai appelé mon premier livre de la trilogie Dolce Vita. C'est parce que, à ce moment-là, dans les années 50-60, il y a une porte qui s'est ouverte, qui était une porte qui allait amener le pays vers quelque chose de merveilleux. Cette porte-là, elle s'est refermée. Elle s'est refermée plusieurs fois, d'ailleurs, sur les doigts de ceux qui avaient la main dedans. Tous ces hommes avaient une grande vision de l'Italie, qui n'était pas la vision d'un Mussolini, qui, bien sûr, voulait une grande Italie, l'Empire, etc. C'était, bien sûr, il fallait gagner sa vie. Donc, le bien pour soi, mais le bien commun. Mais quelqu'un comme Mattei est mort quasiment pauvre. Ouais. C'est quand même dingue. Il y avait autre chose qui le tenait. Falcone et Borsellino sont morts avec 5 francs en poche. Enfin, c'est dingue. Ces hommes-là étaient tenus par autre chose que leurs intérêts. Ce qui n'était pas le cas de Berlusconi, qui disait lui aussi faire le bien de l'Italie. Mais en attendant, il était l'un des hommes, ça ne l'a pas empêché de mourir, qui était l'un des hommes les plus riches du monde. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, donc, Giorgia Meloni, donc l'Italie d'aujourd'hui. Vous en avez parlé un peu, j'avais gardé une ou deux minutes pour en parler. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui en Italie et comment les Italiens qui n'ont pas voté pour elle et son gouvernement le vivent-ils? Parce qu'on n'est pas dans une alternance à l'ancienne, gauche-droite, on est dans une alternance populiste. Et ça, pour ceux qui n'ont pas voté pour elle, ça ne va pas être facile à vivre. Oui, mais ça a été la même chose avec Berlusconi. Tous ceux qui n'avaient pas voté pour lui et se sont retrouvés dans une sorte d'Italie complètement coupée. Moi, je me souviens au moment, en 94, lorsque Berlusconi a fait sa grande sortie, son grand discours, je crois, à l'Italie, etc. Je me suis retrouvée dans un train où les gens se sont battus, mais réellement battus. C'est-à-dire tous les gens qui votaient pour Berlusconi, qui rentraient de France pour voter pour Berlusconi, et tous ceux qui rentraient pour voter contre Berlusconi. Le train était une espèce de foutoir, vraiment. On s'est fichu sur la tête, quoi, sur la gueule. Vous avez un avantage en Italie, c'est que vous avez un système parlementaire plus fluide, peut-être que ce gouvernement-là. Pour ceux qui ne l'aiment pas, ne durera pas 5, 6 ans, mais peut-être 2 ans, 3 ans. Chez nous, c'est 5 ans ferme. Hein, comme pour quelqu'un, c'est 5 ans ferme. Que Dieu vous écoute, Fabrice. Bon, on verra. On n'est pas là. Moi, je ne suis pas là pour juger, surtout pour la politique italienne. Il me reste à vous remercier, Simonetta Greggio. Merci. Ben, merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Enrico Mattei. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Thomas Langlin.